Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. À l'époque de la diffusion sur France 2 régionale du feuilleton Tintin au Tibet, une expédition anglaise traquait l'abominable homme des neiges dans l'Himalaya, apprend-on dans le courrier des auditeurs en fin d'épisode. Quelle idée ! Tout le monde sait bien depuis toujours, au moins depuis la pré-publication dans le journal Tintin, puis en album chez Casterman, quelle tête a le Yeti, quel mouvement paternel l'avait poussé vers Chang. Chang, l'ami de Tintin, souvenez-vous, dans le Lotus Bleu. Les auditeurs, les petits auditeurs, seront invités à le dessiner, ce Migou, ce Yeti, cet abominable homme des neiges, à la plume, au pinceau, au simple crayon. Mais pour l'instant, Tintin, Milou et Haddock sont encore loin de le croiser, ce brave Yeti. Voici les épisodes 5, 6, 7, 8 et 9, diffusés pour la première fois sur France 2 Régionale du 6 au 15 octobre 1960. Un document, INA. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, cinquième épisode. Haddock, Tintin et Milou viennent d'arriver au Népal dans le nord de l'Inde. On se rappelle la raison qui conduit nos amis dans ces lointaines régions. L'accident d'aviation survenu au Tibet et au cours duquel le jeune chinois Chang, ami de Tintin, aurait trouvé la mort. Mais le jeune reporter ne croit pas à la version officielle de l'accident. Averti par un rêve prémonitoire, il proclame que Chang est vivant et décide de le retrouver. À Katmandou, capitale du Népal, ils sont maintenant à pied d'œuvre et vont organiser une expédition malgré les conseils de prudence des gens raisonnables et en particulier du chef de l'aérodrome de Katmandou que nos voyageurs viennent de solliciter. Il est bien brave ce monsieur, mais vous l'avez entendu ? Ce que vous allez faire est une folie. Là-dessus, tous les gens sensés sont d'accord. Oh, peut-être, mais Chang est vivant, capitaine. Oh, Chang est vivant, Chang est vivant. Mais oui, je le sais. Et tout ça parce que vous avez rêvé de lui. Mais moi, j'ai rêvé de Napoléon cette nuit. Oh. C'est pas pour ça que je le crois vivant, moi. Je ne suis pas une sorte de somnambule, moi. Je regarde où je vais, moi. Attendez, capitaine. Vous pouvez pas regarder devant vous, espèce d'équilibriste. Allons, capitaine, ce n'est pas sa faute à cet homme. Vous aussi, vous auriez dû regarder devant vous. Mais on n'a pas idée de se balader dans les rues comme le fléau d'une balance. Mais que voulez-vous? C'est leur façon de porter leur corbeille par ici. C'est pas bête d'ailleurs de les maintenir en équilibre à chaque extrémité d'un bambou posé en travers des épaules. Il n'y a pas à dire, c'est pratique. Oui. Ah, et puis c'est pas encombrant. Quel emplâtre! Son bambou, vous avez vu, je l'ai pris en pleine figure. Oh, ce ne sera rien. D'ailleurs, chez nous aussi, on porte de cette façon les seaux d'eau ou de lait, rappelez-vous. Oui, mais chez nous, on n'a jamais failli m'éborgner. Allez, vous pouvez disposer, pastel. Allez, Gabriel, oui. Oh, mon œil. Mais ça devient une habitude. Oh, et celui-là n'a pas de bambou. Alors, pas d'excuse. Oui, mais regardez la taille de son sac. Il plie sous le poids, le pauvre. Oh, il faut que vous leur donniez raison à tout prix, quoi. C'est pas ça, capitaine, je... Oh, et vous, mille milliards de mille sabords de tonnerre de brasse, vous le faites exprès, hein? Maladroit! Wachi Bouzouk! Vous pouvez pas vous excuser, non? Et vous vous laissez dire des choses pareilles, capitaine? Oh, je ne réponds jamais à d'aussi sordides insinuations. Oh, mais que je ne le retrouve pas, mille sabords! Allons, Milou, ça suffit, voyons. Tenez, nous allons demander à ces gens s'ils connaissent la boutique du cousin de Chang, hein? Oui, ben allez-y. Moi, j'ai jeté un coup d'œil sur ces magnifiques tapis rouges qu'on a étalés par terre là-bas. D'accord. Mais ma parole, ce sont des fruits qu'on fait sécher, pas des tapis. Hein? Mais ça a l'air rudement bon. Voyons ça. Oh, celui-là, il est gros. Tiens, je vais demander à ces gamins. Hé, petit! Ça, fruit, bon à manger? Miam miam? Good to eat? Hein? Good, yes, Saïb! Miam miam miam! Very good, Saïb! Very, very, mouchignoc! Et moi, des mouchignocs. Ah, bah, ils rient pour rien, ces innocents! Ah, goûtons à ce fruit exotique. Ouf! Capitaine, qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Répondez. Eh bien, capitaine, qu'est-ce qui vous prend? Ce qui me prend, j'ai mangé un morceau de tapis. Enfin, un de ces machins-là. C'est comme si j'avais avalé un volcan en ordre de marche. Oh, c'est affreux. Des flammes me sortiraient par les oreilles que ça ne m'étonnerait pas. Heureusement, il y avait ce puits. Mais capitaine, c'est du piment rouge que vous avez mangé. Du piment rouge? Mais oui, il n'y a rien de plus fort que ça. Mais ils peuvent pas le mettre sous clé, leur piment rouge, non? Allons, ça va mieux maintenant? Ça se calme, mais j'ai bien cru que ma dernière minute était arrivée. Venez, la maison du parent de Chang est dans cette rue. Il s'appelle Chang Linkin. Oh, je dois avoir la langue à vif. Faites voir. La gorge. Oh, la gorge, attendez, tirez bien la langue. Non. Rien, tout va bien. Hein? Tiens, que veut ce bonhomme à toque rouge? Méfions-nous, elle est du même rouge que les piments. Allons, capitaine. Salut, Saïb. Hein? Mon nom est Cheng Linkin. Vous me cherchez, je crois. Oui, mais comment le savez-vous? Saïb, vous avez demandé votre chemin à quelqu'un qui me l'a répété. Ah. Me ferez-vous grand honneur venir prendre misérable tasse de thé dans pauvre demeure? Très volontiers. Capitaine, allô. Voilà, monsieur, nous sommes des amis de Chang. Des amis de Chang? Oui, je l'ai connu naguère. Et il sera certainement ravi de vous voir. Comment? Mais que dites-vous? Je dis qu'il sera ravi de vous voir, Saïb. Entrez donc, c'est ici. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine? Ayons l'œil, fiston. Chang? Des amis pour toi. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Ealing, le capitaine Haddock, Pierre-Olivier, le porteur, Jacques Muller et Michel Emery, les enfants népalais, Maurice Chevitte, Cheng Likin, avec Milou. Prise de son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistant, Georges Arnal, réalisation, René Villemay. La radiodiffusion Télévision française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation René Villemay. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, sixième épisode. Tintin, Haddock et Milou viennent d'arriver à Katmandou, capitale du Népal, au pied de l'Himalaya. Le jeune reporter a décidé de retrouver son jeune ami Chang, porté disparu dans l'accident d'aviation du Tibet. Nous rejoignons les voyageurs au moment où ils entrent dans la maison d'un parent de Chang, nommé Cheng Li Kin. Celui-ci frappe dans ses mains et appelle... Chang? Chang? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ose y croire. Voici mon fils, Chang Li. Excusez-nous, il y a erreur. Notre ami se nomme Chang Chongzhen. Ah, vous parlez de notre pauvre et regretté neveu d'adoption. Oui, c'était l'ami de ce jeune homme et... Ah, hélas, il est mort. Un accident d'aviation. Ben, nous le savons, mais mon ami Tintin, ici présent, ne veut pas... Oui, justement. Écoutez-moi, monsieur Cheng Linking, je vous prie. Mes détestables oreilles ne perdent aucune de vos précieuses paroles, jeune étranger. Merci. Voilà, je sais. Enfin, je crois que Chang n'est pas mort. Non! Chang pas mort? Non. Et je veux aller à sa recherche dans la montagne. Mais jeune ami, c'est Connaissez-vous un Sherpa qui consentirait à partir avec nous? Mais Saïm, puisque mon malheureux neveu Chang est mort. Oh, mon pauvre monsieur, allez lui faire entendre raison. Oui, capitaine Chang est mort, oui, je sais. Tous les journaux l'ont annoncé. L'expédition de secours n'a retrouvé que les débris de l'appareil. Aucun survivant, oui. Je sais aussi que pour vous tous, cette expédition est une folie. Je le sais. Alors, jeune ami, que désirez-vous? Je suis persuadé que Chang vit encore, mais pour le retrouver, il me faudrait un guide expérimenté. Père! Oui, Chang? Et pourquoi ne pas demander à Tarké? Tarké? C'est meilleur Sherpa de la région, plus courageux. Il faisait partie expédition de secours. Oh, tu as raison, Chang. C'est lui qu'il faut voir. Allons-y. Oh, merci, monsieur Chang, merci mille fois. Tarké, voilà l'homme qu'il nous faut. Je suis sûr de sa réponse, mais venez. Aïe, aïe, aïe, aïe, nous ne sommes pas encore là-haut. Enfin. À la suite de M. Cheng Likin, nos trois amis se dirigent vers la demeure du Sherpa Tarké. Tarké est un jeune homme de taille moyenne, très musclé, visage énergique, cheveux noirs, yeux bridés. Il invite les visiteurs à s'accroupir sur les tapis, puis il s'enquiert du but de leur démarche. Mais à peine Tintin a-t-il dévoilé ses intentions, que la réponse du Sherpa arrive, nette, catégorique, définitive. Non, Sahib. Mais écoutez-moi... Non, Sahib. Pas vouloir risquer trois vies. Ta vie à toi, celle de l'autre, Sahib, avec la barbe, et la mienne. Trois vies pour retrouver un mort. Quatre! Mais justement, Tarké, je suis convaincu que Chang n'est pas mort. Mort, Sahib. Lui, mort. Moi, expédition de secours. Là-haut, Tarké a vu avion cassé. Plus personne vivant. Vous voyez bien, fiston. C'est affreux. Et puis, pas possible vivre là-haut. Trop froid, rien à manger. Toi partir, Sahib. Toi trop jeune pour mourir aussi. C'est le bon sens même, fiston. Ce Sherpa a raison, lui aussi. C'est de la folie. Il faut renoncer à ce projet insensé. Oui, oui. Oui, ce que dit Tarké est très juste. Bravo! Enfin, vous redevenez raisonnable. Je n'ai pas le droit de risquer ainsi plusieurs vies. Voilà qui est parlé. Aussi, je partirai seul. Hein? Ça recommence alors? Mais il est fou! Allié! Mais enfin, monsieur Tarké... Alors, allez, mais venez, on s'en va. Monsieur Cheng, merci encore. Merci aussi, Tarké. Mon cœur est triste, Sahib. Mais je ne veux pas retourner là-haut. Les grands sages guident vos pas, jeune étranger. Merci. Allez, au revoir, messieurs. Venez, capitaine. Eh bien, tant pis. J'irai seul avec Milou. Oui. C'est ça, allez-y tout seul. Oh oui, mille tonnerres de Brest. Seul, bien seul. Pas ça, vous pouvez en être sûr. Je vous ai suivi jusqu'ici, mais c'est fini. Vous m'entendez? Fini. Débrouillez-vous sans moi. Attention! Oh! C'est encore vous? Mais mille millions et mille milliards de mille sabords. Vous pouvez pas respecter les passants, non? Coloquinte, zigomard. Mais je vous en prie. Restez poli. Est-ce que je crie, moi? Alors, laissez-le, capitaine. Vous savez qu'il est coléreux. C'est lui qui vous a déjà bousculé hier avec son sac. Allons, venez, venez. Non, mais vous l'entendez? Il exagère quand même. Rentrons à l'hôtel. Je me sens très, très fatigué aujourd'hui. Tout va mal. Ah, ça, vous pouvez le dire. Oui, ça s'annonce mal. Mais Tintin a de la volonté et sitôt rentré à l'hôtel, il commence à préparer son matériel sous le regard peu enthousiaste de Milou. Puis, le surlendemain matin, il va faire ses adieux au capitaine Haddock. Entrez! Je venais vous dire... Mais qu'est-ce que vous faites, capitaine? Ce sac, ces bouteilles... C'est mon sac. Ces bouteilles, ce sont des bouteilles de... Enfin, des flacons de médicaments. En haute montagne, il en faut. Ah, parce que vous venez avec nous? Oui. Vous pensiez que j'allais vous laisser partir tout seul, espèce de galopin? Mais... Sachez une chose, petit malheureux. Ce n'est pas du jus de rutabaga que le capitaine Haddock a dans les veines, hein? Mille sabots. Mais c'est-à-dire, si vous me laissiez... Assez! Il n'y a pas de mais, ni de si, ni de... C'est-à-dire, je pars avec vous, que ça vous plaise ou non. Et pas un mot de plus ou je reste ici. Oh, merci, capitaine, vous êtes très chic. Suffit. Bah, comme veut-on encore. Qui est-ce? Entrez. Hein? Oh, encore lui? Ah, Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Ealing le capitaine Haddock, Pierre-Olivier le porteur, Maurice Chevite Chang Likin, Claude Pieplu Chang Li Yi, Edmond Tamise Tarquet, avec Milou. Prise de son Jean Jusfort, bruitage et effet sonore Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistant Georges Arnal, réalisation René Villemet. Jeunes amis, bonsoir. Nous vous remercions d'abord de nous écrire si nombreux et de nous aider ainsi à mettre au point le sondage que nous avons entrepris. Ce soir encore, nous vous reparlerons de notre concours. Vous avez tous entendu parler de l'abominable homme des neiges, oui, certainement. Une expédition anglaise est en ce moment même à sa recherche dans les montagnes de l'Himalaya, je crois. Oui, vous savez d'autre part que nos amis Tintin, Haddock et Tarquet sont aussi dans ces régions glacées. Alors, écoutez bien, faisant appel à votre imagination, nous vous demandons de dessiner l'abominable homme des neiges tel que vous vous le représentez. Il s'agit d'un concours et il y a des prix, bien entendu. Nous vous en parlerons bientôt. Donc, si vous voulez concourir, dessinez le Yeti, autrement dit l'abominable homme des neiges. Faites-le au crayon, à la plume ou au pinceau, en couleur ou en noir et blanc. Peu importe le format, mais faites assez grand tout de même, de préférence sur papier à dessin. N'oubliez surtout pas de porter vos noms et adresses sous le dessin et aussi votre âge, ce c'est qui est très important. J'allais le dire. Vous avez jusqu'au 15 octobre 1960 pour envoyer votre dessin à la RTF, jusqu'au 15 octobre pour la France continentale et jusqu'au 15 novembre pour les départements et les pays d'outre-mer. C'est un grand concours qui comporte des grands, nombreux et beaux prix, évidemment. Alors mettez-vous à la tâche et laissez vagabonder votre imagination. Vous envoyez vos œuvres, vous pouvez en dessiner plusieurs chacun. Vous envoyez vos œuvres à Tintin, RTF, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Avant le 15 octobre pour la France métropolitaine. Nous vous le rappelons, et avant le 15 novembre pour les départements et pays d'outre-mer. Alors allez-y, nous vous souhaitons très bonne chance. Et à mardi prochain pour le 7e épisode de Tintin au Tibet. Nous pensons beaucoup à cette histoire de photos de Tintin et Milou, et nous sommes sûrs que la solution adoptée vous conviendra. Nous vous dirons nos secrets au cours des prochaines semaines. Prenez patience. Sur ce, nous vous laissons. Au revoir. Au revoir. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 7e épisode. Depuis quelques jours, dans la capitale du Népal, Tintin est à la recherche d'un guide sûr qui le conduirait sur les lieux du dernier accident d'aviation. Cette catastrophe, on s'en souvient, a coûté la vie à son ami Chang. Mais cela, le jeune reporter ne veut pas le croire. Cependant, les avis sont unanimes. Il n'y a pas eu de survivants. Et devant l'insistance de Tintin, tout le monde se récuse. Même Tarquet, le célèbre Sherpa, refuse de l'accompagner. Puis Haddock, à son tour, se dérobe. Pourtant, au moment où le jeune homme va entreprendre seul la périlleuse ascension, le capitaine revient en bougonnant sur sa décision. Tintin alors va le remercier, quand soudain... Entrez ! Oh ! Encore lui ? Oh, tenez, mais dites donc, mon gaillard, c'est vous qui me foncez dessus à tous les coins de rue ? Moi, pas faire exprès, Saïm. Ah, manquerait plus que ça. Et que venez vous faire ici, mille saveurs ? Sherpa Tarquet, envoyez-moi, Saïm. Comment ? Oui, Saïm, lui faire dire tout être prêt. Tout est prêt ? Tout, expédition prête, coulis attendre. Je n'en reviens pas, capitaine. Moi, porteur, Saïm. Ah oui ? Eh ben, ça promet d'être gai. Enfin, dites à Tarquet que nous arrivons. Oui, Saïm. Ça alors, la chance reviendrait-elle ? Vous vous demandez ce qui se passe, hein ? Mais oui. Mais oui ! J'avoue que je ne comprends pas très bien ce revirement. Mais tête de mule, quand j'ai vu que vous vouliez partir malgré tout, je suis retourné voir Tarquet, et je l'ai décidé. Voilà. Oh, capitaine, vous êtes le plus chic type de la Terre. Pas si vite. Il a accepté de vous conduire jusqu'au débris de l'avion, mais pas plus loin. D'ailleurs, j'espère que ça vous suffira. Je l'espère aussi, capitaine. En attendant, Tarquet s'est occupé de tout. Équipement, vivres, matériel et porteurs. Ah, nous avons eu la chance de tomber sur le meilleur guide du pays. Pourvu qu'elle dure, la chance. Tenez, aidez-moi à terminer mon sac. Il faut protéger ces bouteilles. Très important. Ah, bien sûr, capitaine, voyons. Tais-toi, Milou, allons. Pressons-nous, Tarquet nous attend. Une heure plus tard, l'expédition est en route. Elle se compose de Tintin, Milou, Haddock, Tarquet le guide, le porteur et trois coulis. La petite colonne progresse sur la route poudreuse qui aboutit là-bas, loin, très loin, au pied des montagnes de l'Himalaya. Haddock, lui, a démarré au pas de chasseur. Il distance tout le monde en sifflotant une marche. Puis, il rétrograde pour se retrouver le pas traînant en queue de colonne. Quelques gorgées empruntées à l'un de ses précieux flacons lui redonnent un coup de fouet. Au 6e kilomètre de course, il est de nouveau en tête. Et il augmente son avance sans cesse. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il va et disparaît bientôt aux yeux de ses compagnons. Suivons-le. Dixième kilomètre. L'allure a singulièrement ralenti. Haddock transpire et titube de fatigue. Ses yeux se ferment, il grommelle, marmonne, soupire. Oh, le pauvre homme. Il dort debout maintenant. Il dort, mais en avançant quand même. C'est le capitaine, mais vêtu d'un habit à queue de pie rouge et coiffé d'un haut de forme, rouge également. Sur le dos, une énorme guitare, le tout dans un décor géométrique, bizarre, un décor de rêve. Capitaine, vous n'avez pas vu cet arbre? L'arbre? Mais tournesol, le parapluie. Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Je ne sais pas, j'ai dû m'endormir en marchant. La chaleur, sans doute. Oui, c'est ça, je crois même avoir rêvé. Allons, allons, capitaine, remettez-vous. Oui. Tenez, relevez-vous, là. Il faut avancer encore. Eh oui, courage, plus que quelques kilomètres et nous plantons la tente. Alors, allons-y. Les Sahibs à barbe marchaient trop vite au départ. Maintenant, marchez comme nous. Toujours même pas. Meilleur. Vivement ce soir qu'on se couche. Oh oui. Bientôt, capitaine, bientôt. Allez, on y va. Un, deux. Oh, oui, ça va, j'ai compris. Vous me prenez pour un gâteux. Oh, voyons, capitaine. Allons. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Ealing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilo, le professeur Tournesol, Edmond Tamise, Tarquet, Pierre-Olivier, le porteur, et Milou. Prise de son, Jean Jusfort. Bruitage et effet sonore, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistant, Georges Arnal. Réalisation, René Villemet. La radiodiffusion Télévision Française présente... Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 8e épisode. Tintin a réussi à vaincre les premières difficultés et l'expédition a été mise sur pied. Elle se compose de 6 personnes, notre héros, Haddock, le Sherpa Tarquet et 3 coolies. 6 personnes et un chien, évidemment, notre brave Milou. La colonne en est à sa première journée de marche. Première journée assez dure, surtout pour Haddock. Enfin, sur les premiers contreforts de l'Himalaya, la nuit est venue maintenant. On a dîné, puis 2 tentes ont été dressées. Une pour Tintin, Haddock, Tarquet et Milou, l'autre pour les 3 coolies. Chacun s'enfile dans son duvet, heureux de pouvoir enfin se reposer. Tonnerre de Brest, mes pauvres pieds. Demain matin, ça ira mieux, capitaine. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit, Sahib. Bonne nuit, mes amis. Là, ne bougez pas trop, capitaine, sinon vous allez écraser Milou. Ne vous inquiétez pas. Que ça fait du bien de s'allonger. Ah, vous êtes prêts? J'éteins la lampe. 2, 1... C'est pas possible. La Castafiore, ici. Oh, tonnerre de tonnerre. Elle nous poursuivra donc jusqu'au bout du monde. Ça, radio chez Couli, Sahib. Ah oui, tiens. Nous allons voir ça. Où sont mes chaussures? Mes chaussures. Tâchez d'agir avec diplomatie, capitaine. Faites-moi confiance. Là, ça y est. Petite minute, mes amis. Aucun doute, ça vient de la tente des coulis. Attention, tendeur. Merci. Quant à cela, je vais leur dire 2 mots. Encore une corde. Mes gaillards. Ça transistor, ça y va barbe. Oui, je sais. Et belle musique, nous aimer beaucoup. Moi aussi, encore plus que ça. Mais vous allez me le boucler, votre transistor, hein, ou je fais un malheur. Toi, pas colère, tu pas aimer musique, nous arrêtez pas crier. Et elle crie pas, hein. Allez, bonsoir. Bonsoir, Sahib. Oh, mais où faut-il aller pour avoir la paix, tonnerre de Brest? Oh, 1000 millions de 1000 sabords. Ils ne peuvent pas fabriquer les tentes sans tout se fouiller de bout de ficelle, non? Oh, tonnerre. Allez, c'est fini cette fois. Venez vous coucher, capitaine, il faut bien qu'on dorme à la fin. Oui, ça suffit comme tuile pour aujourd'hui. Allez, bonne nuit. Salut. Et qu'on ne me réveille sous aucun prétexte. Je ne tiens plus debout. Après cet incident radiophonique, le silence retombe sur le camp et tout le monde s'endort. Repos bien mérité après cette première étape qui n'est encore que le commencement de la grande aventure. Nuit sans histoire, trop courte cependant au gré de nos amis qui auraient aimé se prélasser un peu. Mais le devoir d'abord, et sitôt le camp levé, on reprend la route, enfin le chemin. Et Haddock se détache tout de suite du peloton pour bien montrer qu'un marin, ça s'est aussi arpenté le plancher des vaches. Capitaine ! Hé, capitaine ! Attendez-nous ! Oh ! Capitaine, attendez-nous, voyons ! Je vais montrer à ces jeunes que le père Haddock a encore du jarret. Vous m'aviez tout à l'heure. Oh, une rivière. Elle est rapide avec ça. Ah bah heureusement, on a jeté en travers des troncs d'arbres. C'est pas bête comme système. Les troncs se trouvent retenus par les rochers qui émergent. Eh ben, allons-y, Haddock. Le pied ferme et sûr. Attention. Avec la chance que j'ai, ça devrait normalement se terminer par un bon bain. Capitaine, où êtes-vous? Oh, mais je ne leur donnerai pas ce plaisir. Doucement, Haddock. Là, plus que quelques mètres, et la victoire est à moi. Et voilà. Capitaine! Oh, capitaine! Coco, me voilà! J'ai déjà traversé, moi! Et à pied sec, qu'on se le dise! Bravo! Mais c'est à refaire! Quoi? À refaire! Ce n'est pas le bon passage! Le pont qu'il faut prendre est plus haut! Plus haut! Revenez, capitaine! Oh, mille millions de mille sabords! J'arrive! Oh, c'était trop beau! Oh, tonnerre! J'ai failli y aller. Attention quand même! Oh, c'était plus facile dans l'autre sens. Oh là! Et dire qu'il y a des gens qui sont funambules. Oh non! Oh non, décidément, c'est trop dangereux. Essayons comme ça. Voilà. Allez. Hé! Qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? Je cueille des fraises! Oh, comme ça, à quatre pattes, il ne me reste plus qu'à aboyer pour ressembler à Milou. Oh, pendant ce temps-là, il se paye ma tête, lui. Enfin, j'y suis bientôt. Ne vous pressez pas, capitaine. Vous allez toucher terre. Marchez, marchez, je vous rattraperai. D'accord, vous venez d'arquer. Haddock aborde sans encombre et rejoint la petite colonne qui suit maintenant un sentier taillé à flanc de montagne. Peu à peu, on s'élève au-dessus du torrent, de plus en plus encaissé entre les parois rocheuses. Les heures passent, la fatigue commence à se faire sentir. La soif aussi, d'ailleurs. Haddock s'éponge le front. Derrière lui, Milou tire la langue lamentablement. Soif! Tout à coup, Milou s'arrête. Oh, chic! Il vient de mettre le nez sur une petite flaque d'eau au beau milieu du sentier. Miam! Mais non, ce n'est pas de l'eau. Et il le sait bien, le gredin. Il renifle encore et se dit qu'il est sur une bonne piste. Oh, chic! Comme en tout homme, en tout chien coexistent un ange et un démon. Milou a bien écouté ce que lui conseillait son bon ange du fond de sa conscience, mais finalement, il a obéi au démon qui aboyait de façon si persuasive. « Rejoins Haddock, vite, suis Haddock et lève le nez. Tu verras, tu n'auras plus soif. » « Allons, Milou, avance, ne traîne pas !» Et voilà, Milou suit maintenant Haddock, comme un petit chien évidemment, et il lève le nez vers le sac du capitaine. Oui, vers ce sac d'où coule un liquide brunâtre. Ah, l'animal! Il n'en perd pas une goutte, allez. Et ça coule encore pendant un bon moment. Le sentier est de plus en plus étroit. Sahib, Sahib. Mais qu'est-ce que c'est? Look, look up dog, là. Oh, Milou. Lui, plus marcher droit, là. Mais il a raison. Milou va de travers. Oh, pauvre Milou, ça doit être le mal des montagnes. Attends-moi, mon chien, j'arrive. Bah, attention. Milou, ne va pas au bord. Mais il est fou. Le précipice. Tenez, vite, Tintin. Milou, on t'entend. Mon Dieu, il va se fracasser contre les rochers. C'est affreux, mais c'est affreux! Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Edmond Tamise, Tarquet, Pierre-Olivier, le porteur, avec Milou. Prise de son, Jean-Jus Fork, bruitage et effet sonore, Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistant, Georges Arnal, réalisation, René Villemay. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation René Villemay. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 9e épisode. L'ascension a commencé. Cette ascension, on s'en souvient, a pour but de retrouver quelque part dans la chaîne de l'Himalaya le jeune Chang qui a disparu dans l'accident d'aviation du Tibet. Selon la version officielle, il n'y a pas eu de survivants, mais Tintin persiste à croire que son ami Chang vit encore. L'expédition s'est donc mise en route sous la conduite du fameux Sherpa Tarquet et avec l'aide d'un porteur et de deux coulis. Jusqu'à maintenant, tout allait à peu près bien, mais alors que la petite colonne cheminait à flanc de montagne, entre la paroi rocheuse et le précipice, Milou, comme frappé d'un malaise, tombe. Tintin se précipite alors au bord du gouffre. Milou ! Alors ? Ah, victoire ! Il est tombé à l'eau ! Il a frôlé un rocher ! Quelle chance ! Ah, le voilà qui réapparaît ! Oui, mais maintenant il est entraîné par le courant ! Ah, vous avez raison ! Il faut le rattraper au deuxième pont de branche ! C'est le seul moyen ! Je reviens, capitaine ! Attendez-moi ! N'ayez crainte, fiston ! Et bonne chance ! Merci ! Au risque de tomber à son tour dans le torrent, Tintin court sur l'étroit sentier rocailleux. Il bouscule les porteurs éberlués et redescend vers l'endroit où, le torrent se resserrant, les hommes ont jeté à fleur d'eau une fragile passerelle de troncs d'arbres. Mais le courant est rapide lui aussi. J'arrive à temps. Mon Dieu ! Il disparaît au milieu des tourbillons. Ça y est, je le vois ! Courage, mon chien, courage ! J'arrive ! Là ! Là, ici, Milou, par ici ! Viens ce rocher, mais nage ! Nage ! Il va passer sous les branches. Pas une seconde à perdre. Allez, à plat ventre ! Allez, Milou, mais nage, Milou, par ici ! Fais un effort, Milou ! Milou ! Milou ! La hurra ! Ah ! Ah, sauvé ! Ah, sauvé, mon chien, sauvé ! Ah, non ! Eh ben, t'as eu de la chance, tu sais ? Sauvé de justesse, oui. Maintenant, Tintin, serrant son chien dans ses bras, remonte doucement par le sentier. Ah, et voilà justement Haddock qui vient à leur rencontre. Ah, vous avez réussi à récupérer cet ivrogne ! Ivrogne ? Que voulez-vous dire ? Rien que la vérité, mille sommets. Ah, mais expliquez-vous, capitaine. Vous accusiez le mal des montagnes. Eh ben oui, ça existe. Ça existe, oui. Mais ce n'est pas ça qui faisait tituber, Milou. Ouais, vous ne voulez pas dire que... Je ne dis rien. Regardez, voilà mon sac et les débris de verre qu'il y avait dans la poche arrière. Oh, une bouteille de whisky. Oui, elle s'était cassée dans mon sac. Mais le whisky n'a pas été perdu pour tout le monde. Regardez-le baisser le nez, votre Milou, regardez-le. Malheureux, vilain chien, si ça t'arrive encore, je te... Oh, tu n'as pas honte, et moi qui ai failli me rompre les os pour toi. Allez, je ne te parle plus, Milou. Allez, hop. Allez, va-t'en. Tu resteras derrière Tarquet jusqu'à ce soir. Allez, va. Quel acrobate, ce Milou, tout de même. Un acrobate qui boit de l'alcool. Vous avez vu ce que ça donne? Oh, de toute façon, votre whisky était perdu, alors. Nous repartir, Saïb. Oui. Longue route encore avant repos. Oh, on peut pas installer des funiculaires par ici, non? Allez, capitaine, remettez votre sac. Il est maintenant plus léger de quelques grammes. Vous ne plaisantez pas avec ça, hein? Là, je vous aide. Allez, ça y est. Là, en route. Penjen. En mode. Regardez, galère, va. Thank you. et la montée reprend. Milou maintenant se colle à la paroi en évitant même de regarder du côté du torrent. Après plusieurs heures d'une marche particulièrement pénible, vers la fin de l'après-midi, nos voyageurs arrivent sur un large plateau rocailleux. Oh, regardez Tintin, cette sorte de tour à toit pointu. Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ça, Tarké? Ça, Shorten, Sahib. Shorten? Oui, petite maison pour conserver cendres grand lama. Ah oui, un monument sacré. Et là-bas, plus bas, un autre, plus petit. Allons voir. Non, Sahib, non. Quoi? Oh non. Halte, Sahib. Oui, mais qu'est-ce que vous... Non, malheur sur toi, Sahib. Si toi passais à droite, Shorten. Tiens. Démon en colère quand homme passait à droite. Toi, passez à gauche. Sinon, porteur, pas vouloir continuer. Mais bien sûr, Tarké, bien sûr. Le Sahib à barbe respecte vos croyances, voyons. Il passera à gauche, n'est-ce pas, capitaine? Bien sûr, à gauche ou à droite, moi, vous savez. Mais je vous en prie, Tintin, ne m'appelez pas Sahib à barbe, ça m'agace. Bien, ne vous fâchez pas. Dites-moi, que diriez-vous si nous nous installions ici pour passer la nuit, hein? Ah, bonne idée. L'endroit est dégagé et abrité à la fois. Et puis je commence à avoir faim. Alors, c'est dit, on campe ici. Tarké! Deuxième nuit dans la montagne, au milieu d'un décor grandiose, sur lequel plane le souvenir des grands lamas dont les cendres reposent dans les Shorten. Les Shorten, on s'en souvient, sont ces monuments funéraires qu'on ne doit dépasser que du côté gauche. Puis, à cette deuxième nuit de repos, a succédé une autre journée d'ascension. Une journée au cours de laquelle nos amis ont dû traverser un bois de rhododendrons et de sapins. Et, comme revenait la nuit, Tarké a choisi l'endroit de la troisième étape. Cette fois, nos amis ont atteint les premières neiges. Là, derrière, Tibet. Épave de l'avion être là. Nous arriver demain. Oui, ben en attendant demain, moi j'ai faim. Sampa prêt, Sahib. Ah, sampa. Et qu'est-ce que c'est cette mixture? Sampa, Sahib. Farine d'orge grillée avec thé et beurre. Eh ben voyons ça. Eh, hey, en tout cas, ça a bon aspect, hein. Très bon, Sahib. Très bon. Ah. Hein? Mmh. En effet. Mmh. Quel est ce cri? Sahib. Sahib. Yeti. Quoi, Yeti? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Bah, répondez. L'abominable homme des neiges. Quoi? Écoutez, capitaine. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Ling, le capitaine Haddock, Edmond Tamise, Tarquet, Jean Péméja et Pierre-Olivier, les coulis, avec Milou. Prise de son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistant, Georges Arnal, réalisation, René Villemet. Ces épisodes, 5, 6, 7, 8 et 9 de Tintin au Tibet, ont été diffusés pour la première fois sur France 2 Régionale les 6, 8, 11, 13 et 15 octobre 1960. Un document, INA, à suivre et à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Ah.